Le changement climatique est là. Alors, on fait quoi ? Moi, je fais mes courses en vrac. Ah, moi, je me déplace à vélo. Et je fais pipi sous la douche. Tous nos gestes comptent. Mais comment aller plus loin ? À la Fondation Terre Solidaire, nous pouvons agir ensemble sur nos modes de vie pour construire une transition écologique vertueuse. Nous soutenons les initiatives locales qui inventent de nouvelles façons de produire et de consommer, comme la création d'une filière de la fleur française en circuit court ou le développement local des énergies renouvelables via des collectifs de citoyens. Pas d'action sans don. Soutenez la Fondation Terre Solidaire. La science CQFD, Natacha Triou. C'est l'une des particules les plus en vue pour occuper le poste de matière noire, l'action. Comment détecter cette hypothétique particule et prouver ou non son existence ? L'action a été théorisée en 1977 pour résoudre un problème du modèle standard de la physique des particules. Plus tard, on s'est aperçu que cette particule serait aussi une excellente candidate à la matière noire, cette matière inconnue et mystérieuse qui représenterait 84% de la masse de l'univers. Jusqu'à présent, tous les efforts pour en détecter directement ont échoué. Où en sont les tests de détection des actions dans l'espace et en laboratoire ? On fait le bilan de cette chasse à l'action. Matière noire, action ou vérité ? Pierre Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au département de physique des particules du CEA, enseignant à l'école des mines de Paris, ainsi que dans d'autres écoles d'ingénieurs en France et au Maroc. Esther Ferrer-Ribas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IRFU, l'Institut de la Recherche Fondamentale de l'Univers au CEA. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. Et merci à vous pour votre écoute. En complément d'écoute, on vous propose de nous suivre sur Twitter dès maintenant pour notre live tweet riche de ressources complémentaires. C'est @sciencecqfd. Et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment est né le concept d'action, des raisons pour lesquelles il serait un bon candidat à la matière noire et de comment construire des expériences pour traquer ces particules de matière noire. On entre en matière avec ce mystère, celui de la matière noire. L'astrophysicienne Françoise Combes était sur notre antenne en 2022. Il y a 85% dans l'univers de matière qui est noire, c'est-à-dire que l'on ne connaît absolument rien sur cette matière. Donc la matière ordinaire que l'on connaît ne fait que 17% de la matière. Donc tout le reste, qu'est-ce que c'est ? Alors on la détecte par sa gravité, mais elle ne rayonne pas du tout, donc on ne la voit pas. Mais par contre, toute la matière ordinaire tourne autour de cette matière noire. On ne sait pas du tout ce que c'est. C'est des particules exotiques que l'on n'a pas trouvées dans les grands accélérateurs comme le CERN. Donc là, c'est un très grand mystère. Il y a aussi un autre mystère, c'est que 70% du contenu de l'univers, c'est de l'énergie noire. Et là, on ne sait absolument pas ce que c'est non plus. Voilà, Esther Ferrer-Ribas, pour réagir à cet extrait sonore, on ne connaît rien de la matière noire. En fait, on connaît qu'elle doit exister, parce qu'il y a plein d'observations, par exemple la courbe de rotation des galaxies qui nous indique qu'elle doit exister. Donc pendant très longtemps, on pensait que ça serait une matière très lourde. Donc il y a eu plein de recherches avec des expériences en accélérateur et des expériences en labo souterrain pour détecter ces particules. Mais depuis quelques dizaines d'années, en fait, on ne les trouve pas. Donc peut-être on se trompe et elles seraient des particules plus légères. Pierre Brun, que désigne la matière noire ou matière sombre ? Alors ça désigne plus une incompatibilité entre les différentes observations qu'une entité à proprement dit. Moi j'aime bien rappeler que dans les laboratoires de physique des particules, on ne fait pas de la recherche de matière noire, parce qu'en fait la matière noire, on sait que ça existe, on sait où elle est, on sait combien il y en a. On cherche à l'identifier. On cherche à identifier la matière noire. Parce que, en complément de ce que disait Françoise Combes, la matière noire, non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que ça n'est rien de connu. C'est-à-dire que c'est une affirmation qui est plus forte que simplement de dire « je ne sais pas ce que c'est ». C'est-à-dire que je peux prendre tout ce qui est connu, tout assemblage de particules connues, de choses connues, de matières conventionnelles, toute forme d'assemblage de ces choses-là, ça n'a pas les bonnes propriétés pour être la matière noire. Et donc ça nous a poussé à chercher ailleurs, des particules exotiques, hypothétiques, et à se baser sur des théories physiques au-delà de ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, pour nous laisser guider dans nos recherches. Voilà, la matière noire, ce n'est pas de la matière baryonique, hein, la matière classique, elle serait donc partout, même par exemple dans ce studio. Oui, alors dans la pièce, il y en a assez peu, parce qu'en fait on se trouve assez loin du centre de la galaxie, et la matière noire est concentrée au centre de la galaxie. En fait, c'est même plutôt l'inverse. La galaxie est venue se former là où il y avait précédemment de la matière noire. Ce qu'on appelle les puits de potentiel gravitationnel sont les berceaux des galaxies, et ces puits de potentiel gravitationnel sont créés à l'origine par la matière noire. Donc il y en a dans cette pièce, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on fait de la recherche d'identification de matière noire en laboratoire, eh bien, on cherche à détecter cette matière qui est là autour de nous et qui interagit trop peu pour avoir des effets au quotidien. Oui, cette matière noire n'interagirait pas avec la lumière, d'où son qualificatif. Le terme le plus approprié, c'est peut-être matière invisible. Oui, et transparente. Transparente. Ouais. Alors, pour revenir aussi sur qu'est-ce qu'on cherche, comme vous dites, à en détecter, mais aussi à dresser sa carte d'identité complète, de quoi serait fait cette matière noire? Alors, comme tous les autres constituants de la matière de l'univers, à l'origine, elle a dû être en équilibre avec tout le reste de la matière pendant le Big Bang. Et donc, elle a dû survivre depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Donc, ça doit être une particule qui doit être stable, qui doit avoir une durée de vie qui est au moins la durée de vie de l'univers. Il n'y a pas de matière qui s'est créée depuis le Big Bang. Hein, donc, ça a dû être créé en même temps que tout le monde et rester jusqu'à maintenant. Donc ça doit être stable, en plus ça doit être neutre pour ne pas interagir avec la lumière, pour être transparent. Ça doit être massif, parce qu'on en voit les effets gravitationnels. Ça doit avoir des interactions très faibles. Et en plus, ça doit être une particule qui se déplace lentement. Alors ça, tout ça, c'est des qualificatifs, des propriétés qu'on va retrouver dans cette histoire de l'action. L'action, ça, c'est cette particule hypothétique qui a été prédite il y a une cinquantaine d'années. Au départ, elle n'a pas été théorisée pour résoudre l'énigme de la matière noire. Esther Ferrari-Barth, qu'est-ce qui a donné naissance au concept de l'action? Alors, je pense que, pour l'expliquer simplement, c'est dans les modèles standards de la physique des particules, il y a un problème que l'interaction forte et l'interaction électrofaible ne se comportent pas de la même manière vis-à-vis de la matière et de l'antimatière. Donc, pour résoudre ces problèmes, on a introduit cette particule qu'on appelait l'action parce que cette particule nettoyait un problème, clarifier un problème du modèle standard de physique des particules. Après, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que cette particule était très utile parce que si elle existait en grande quantité, elle pourrait aussi être un candidat à la matière noire. Donc voilà, en fait, on a l'introduit pour résoudre un modèle théorique, mais en même temps, sans rajouter, voilà, tout simplement, elle était aussi candidat à la matière noire. Voilà, c'est qu'en physique des particules, on a le modèle standard qui explique tout ce qu'on observe, qui permet de décrire toutes les particules connues et leurs interactions. Il n'a jamais été mis en défaut expérimentalement, mais Pierre Brun, il présente donc quelques incohérences. Alors, ce ne sont pas des incohérences au sens de quelque chose qui serait faux ou d'une incohérence au sens où on l'entend habituellement. Ce sont ce qu'on appelle des limitations. Une forme de limitation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les problèmes d'ajustement fin. Un problème d'ajustement fin, c'est quand on a dans une théorie un paramètre qui peut prendre n'importe quelle valeur et qui prend une valeur particulière sans que l'on en connaisse ou que l'on en comprenne la raison. Il y a plein d'exemples dans l'histoire des sciences de problèmes d'ajustement fin. Par exemple, dès Newton, on a remarqué que la masse gravitationnelle et la masse inertielle étaient égales, alors que ce sont deux paramètres qui n'ont a priori aucun rapport. Il y en a un qui décrit la difficulté qu'on va avoir à mettre en mouvement un objet, la masse inertielle, et l'autre qui va jouer le rôle de charge gravitationnelle. D'accord ? Et on s'est aperçu que le rapport des deux valait 1, très, très précisément. Alors, ça peut pas valoir. Enfin, en physique, on peut pas mesurer la valeur d'un paramètre, d'accord? On peut juste contraindre sa valeur. Donc, on a vu qu'elle était très, très, très proche de 1. Et l'explication de ça est venue avec la théorie de la relativité générale, en expliquant qu'en fait, il n'y a que des masses inertielles et la masse gravitationnelle, c'est pas une charge gravitationnelle, c'est juste une masse inertielle. Bon, ça, c'est un exemple d'un ajustement fin dans les paramètres, un rapport qui valait 1 et on ne savait pas pourquoi, qui a été résolu avec une théorie plus large qui a été la relativité générale. Et donc dans le modèle standard, on a plusieurs problèmes d'ajustement fin. On a par exemple la masse du boson de Higgs qui se trouve être beaucoup plus faible que ce qu'elle devrait, entre guillemets, être. C'est-à-dire que si on pose la question au modèle standard, quelle est la valeur préférée pour la masse du Higgs, ça va être des dizaines d'ordres de grandeur plus grand que ce qu'on observe. Et un autre problème d'ajustement fin, c'est celui qui est là à l'origine de la théorie des actions, qui est que quelque part dans la théorie apparaît un angle qui peut valoir n'importe quoi entre 0 et 360 degrés, parce que c'est un angle. Et il se trouve que à un degré de précision de l'ordre du 10 milliardième, de 0,1 milliardième, on trouve 0. Et c'est bizarre, parce que ça pourrait valoir n'importe quoi. Alors il se trouve que cette valeur de 0, elle est particulière. C'est la valeur qui fait que la matière et l'antimatière se comportent de façon identique vis-à-vis de l'interaction forte. Et une façon d'interpréter cette mesure très faible pour cet angle, c'est de se dire qu'on a raté quelque chose. Pour donner une analogie, c'est un peu comme si on tirait les rois. Et donc, quand on tire la galette des rois, on coupe la galette. Et de temps en temps, on tombe sur la fève. C'est rare, mais ça arrive. Et bien là, c'est comme si on coupait 10 milliards de galettes et qu'à chaque fois, on tombait sur la fève. Alors, qu'est-ce qu'on se dirait ? On se dirait qu'on a raté quelque chose. On se dirait il y a une symétrie qu'on a ratée, il y a une interaction entre le couteau et la fève, je place la galette de façon spéciale, sans m'en rendre compte, voilà. Pour ce problème de l'angle de l'interaction forte, là, qui vaut zéro en toute vraisemblance, c'est pareil. On a supposé qu'on avait manqué une symétrie qui explique que cet angle vaille zéro. Et donc c'est quelque chose qui a été... cette symétrie, elle a été proposée par deux physiciens en 77, par Helen Quinn, d'origine australienne, et Roberto Peccei, italien. C'est quasiment jour pour jour, 46 ans aujourd'hui. Donc c'est le 46e anniversaire de cette invention. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de mon frère, donc bon anniversaire. C'est surtout l'anniversaire de cette proposition de nouvelle symétrie qu'on appelle la symétrie de Peccei-Quinn, qui est une symétrie hypothétique, mais qui explique naturellement pourquoi cet angle devrait être zéro. Voilà, donc ce problème lié à des symétries dans l'interaction forte, hein, ce qu'on appelle aussi le strong CP problème, c'est ces physiciens, Quinn et Peccei, Esther Fer, Ribas, c'est pour cette raison qu'on imagine donc les actions. Alors, ils ont imaginé les actions, et quelques années plus tard, en 83, il y a un physicien américain, Pierre Sikivi, qui a proposé une façon de les détecter, parce qu'en fait, ces actions, ils sont très faibles. Ils interagissent très peu avec la matière, mais en fait, dans la présence d'un champ magnétique, ils peuvent se transformer en photons. Donc, toutes les expériences de détection d'action vont mettre en jeu de champs magnétiques très forts et assez puissants pour essayer de déclencher cette conversion de l'action qui traverse tout sans interagir. Donc, la façon de les détecter, c'est par l'interaction avec un champ magnétique. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de les mettre en évidence. Pierre Brun, d'ailleurs, à propos des actions et de leur naissance, le nom vient d'ailleurs de la notion de d'axe de symétrie. Ces actions auraient pu s'appeler le boson de Peccei-Quinn ou de Quinn-Peccei. Oui, en fait, il s'appelle action avec un X parce que bon, il résout un problème qui a à voir avec ce qu'on appelle les courants axiaux de la théorie. Donc, c'est un truc compliqué qu'on va pas détailler ici. Et pour la blague, c'était aussi le nom d'un détergent, Action. Et à peu près un an après que Peccei et Quinn aient proposé cette symétrie, c'est Frank Wilczek, qui est à l'origine de la théorie moderne des interactions fortes, qui a eu le prix Nobel pour ça, qui a remarqué que cette nouvelle symétrie impliquait l'existence d'une nouvelle particule. Ça a mis quelques mois, ben, ça n'a pas été fait tout de suite. Et ça a été baptisé comme ça, Action. Alors souvent, on ne retient que le nom du détergent, mais en fait, il y a un truc sérieux derrière qui est que ça a à voir avec ce qu'on appelle le courant axial dans les interactions fortes. Oui, en effet, Frank Wilczek et Wingberg qui réalisent donc que l'hypothèse de Quinn et Peccei implique que cette particule qu'est l'action impliquerait aussi la matière noire, Pierre Brun. Oui, alors cette action, donc, c'est un peu à l'image du boson de Higgs à l'époque, c'est-à-dire que c'était... Maintenant, c'est un peu... Disons qu'il y a eu beaucoup d'emphase sur le boson de Higgs, mais à l'époque, c'était un peu au même niveau d'attente, si vous voulez. C'était une pierre angulaire du modèle standard, quasiment au même titre que le boson de Higgs. Et donc, comme ce que je disais précédemment, là, on a réalisé que si ces actions existent, alors ils ont dû être présents pendant le Big Bang. Et s'ils ont été présents pendant le Big Bang, alors ils devraient encore être là autour de nous aujourd'hui. Et il a fallu quelques années encore, mais on s'est vite rendu compte que les propriétés aux échelles macroscopiques de cette population d'actions dans les galaxies avaient été les bonnes pour reproduire ce qu'on appelle la matière noire. Esther Ferrière-Ribas, l'action, en fait, c'est une pierre de coup. Voilà, ça résout deux problèmes en même temps. Et en plus, ce qui est fascinant, je trouve, en ce moment, c'est que l'espace de paramètres est très vaste pour les découvrir, mais on est en train de construire des expériences qui pourraient les détecter. Donc, en fait, il faut des expériences qui vont cibler un vaste espace de paramètres, parce que l'action, en fait, les théoriciens nous disent qu'il a une masse très petite. Donc, très petite, ça veut dire que ça fait au plus lourd un millième de masse d'électrons, ou au plus léger, quelques millionièmes de masse d'électrons. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vraiment très léger, mais en fait, il faut différentes expériences pour pouvoir balayer tout l'espace de paramètres de l'action. Alors pourquoi l'action serait un très bon candidat à la matière noire? Pourquoi coche-t-il toutes les cases? Quels sont les dispositifs à mettre en place pour les traquer? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h16 sur France Culture, avec Pierre Brun et Esther Ferribas, nous partons à la recherche de l'action. Nous venons de voir que l'action, cette particule hypothétique, permettrait de résoudre l'une des problématiques du modèle standard au niveau de l'ajustement fin. L'action a été introduite dans les années 70, mais il n'a pas fait l'objet d'un grand entrain dans la recherche sur la matière noire tout de suite. Durant les années 80, 90, 2000, c'est le WIMP, un autre candidat à la matière noire, qui a fait l'objet de beaucoup d'études, Pierre Brun. Oui, donc on parlait de l'action et de sa masse qui est de l'ordre du millionième de la masse de l'électron. Le WIMP, c'est quelque chose qui est plutôt d'une masse comme un proton ou 100 fois la masse d'un proton. Donc c'est une quinzaine au minimum d'ordre de grandeur plus élevé que la masse de l'action. Et donc ce seraient des particules qui seraient lourdes. Qui aurait toutes les bonnes propriétés pour être la matière noire. L'origine théorique de ces particules, c'est plutôt un autre problème d'ajustement fin dans le modèle standard, qui est lié plutôt à la masse du boson de Higgs, ce qui n'est pas sans lien avec le caractère faible de la gravitation par rapport aux trois autres forces qu'on connaît. Pour résoudre ce genre de problème, on a été amené à proposer des modèles de supersymétrie ou de dimensions supplémentaires d'espace-temps dans lesquelles apparaissent naturellement des particules hypothétiques dont certaines ont toutes les bonnes propriétés pour la matière noire. Donc d'un point de vue théorique, c'est aussi bien motivé que l'action. Et en ce moment, le cours de s'il y avait un cours de bourse des candidats matière noire, le cours des WIMP a beaucoup baissé en raison essentiellement des résultats du LHC, donc au CERN, le grand accélérateur du CERN, qui a montré qu'au moins jusqu'à une certaine énergie assez élevée, on n'avait pas vu ni de traces de supersymétrie, ni de traces de dimensions supplémentaires cachées. Et donc les particules de matière noire qui seraient associées à ces théories-là ont un petit peu perdu d'intérêt dans l'esprit des chercheurs. Et donc ce sont des effets, un peu des effets de mode, qui sont motivés par les résultats expérimentaux et puis aussi, comme dans toute société humaine, par la mode. Et donc, les WIMP ont un peu moins le vent en poupe qu'il y a une vingtaine d'années. Et les gens ont regardé sur la table ce qui restait d'intéressant. Et donc, ils ont ressorti la collection Prêt-à-porter 1977. Et l'action, depuis peut-être une dizaine d'années, regagne du galon. Et de plus en plus activement recherché. Oui, une effervescence hein, depuis 10 ans, en effet, dans la recherche d'action. Il coche en effet toutes les cases, il est neutre, il est léger, il devrait être présent partout dans l'univers, mais interagir très peu avec la matière ordinaire. C'est pour cette raison d'ailleurs, Esther Ferrari-Bass, que cette dernière propriété, ça rend les actions très difficiles, voire impossibles à détecter. Alors, le fait qu'ils interagissent pas du tout avec la matière, ça fait que, en fait, il faut essayer d'utiliser cette propriété qui se transforme en photon. Donc, toutes les expériences qui vont essayer de détecter l'action, il faut qu'ils mettent en place des champs magnétiques. Donc, ces actions, ils pourraient être produits depuis donc les Big Bang, mais aussi s'ils existent, c'est sûr qu'ils sont produits au centre des étoiles et en particulier au centre du Soleil. Donc, on pourra essayer de détecter les actions solaires et c'est sur une de ces expériences que j'ai travaillé. On va venir sur la détection des actions solaires. Avant ça, je voudrais vous faire, Pierre Brun, commenter cette étude qui a fait grand bruit, qui est parue fin avril dans la revue Nature Astronomy, où des chercheurs auraient découvert des indices d'action ultra-légers révélés par une lentille gravitationnelle. Alors, une lentille gravitationnelle, c'est quand on regarde une image d'un objet lointain ou d'un astre lointain qui va être déformé par la masse qui se trouve entre cet objet lointain et l'observateur. Un effet de loupe. C'est ça. Voilà. C'est vraiment comme une lentille en optique. Ça va déformer l'image, ça va devenir plus brillant à certains endroits, moins brillant, ça va faire des arcs et tout. Et c'est un des outils les plus importants. Quand je disais tout à l'heure que la matière noire, on sait où elle est, on sait combien il y en a, bon, bah, essentiellement, grâce aux lentilles gravitationnelles, on est capable de faire une cartographie 3D de la matière noire. Eh bien, en fonction des propriétés à petite échelle, alors quand je dis petite échelle, c'est subgalactique, d'accord, c'est pas à l'échelle de cette pièce-là dans laquelle nous sommes, mais... En fonction des propriétés à l'échelle subgalactique de ces nuages de matière noire dans lesquels habitent les galaxies, les effets de lentilles vont être différents. Si la particule se comporte comme une particule ou comme une onde, ça va induire des effets de lentilles qui vont être différents. Les actions, ils ont cette propriété d'être très légers. Et donc, pour constituer la matière noire, ça veut dire qu'ils sont présents en très grand nombre. Et s'ils sont présents en très grand nombre, les étudiants à l'université de physique se rappelleront que la limite classique de la physique quantique se trouve dans les grands nombres d'occupations. Donc si on a beaucoup, beaucoup de particules, on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble à de la physique classique et à des champs classiques. Et donc les actions vont se comporter un peu comme des ondes à très grande échelle dans les galaxies. Et ça va induire des distorsions des images par lentilles gravitationnelles qui vont être, à petite échelle, très différentes de si la matière noire se comporte comme une particule. Voilà. C'est très encourageant pour ce point de vue-là. Malheureusement, pour les physiciens des particules que nous sommes, la masse qui est adaptée à la description de cet effet-là, c'est quelque chose de l'ordre de 10 à la puissance moins 22 électron-volts. Là où on parlait tout à l'heure d'un action de l'ordre de 10 à la puissance moins 6 électron-volts ou 1 électron-volt dans cette gamme-là. Donc c'est beaucoup plus faible. Et malheureusement, si c'est plus faible et qu'on veut que ça résolve le problème de la symétrie matière-antimatière dans les interactions fortes, il faut aussi que ça interagisse très peu. Donc si cette observation est correcte et que ce sont bien des actions, il va falloir se creuser la tête parce que ça veut dire que les actions interagissent encore moins que ce que l'on croyait. Oui, c'est selon les auteurs de cette étude, ces actions possèdent une masse, comme vous dites, extrêmement petite et se comportent davantage comme des ondes que comme des particules, Esther Ferrari-Bass. Oui, et du coup, en fait, on est en train d'essayer de balayer un espace de paramètres entre la force d'interaction de cette particule et la masse. Ça fait que s'ils ont une masse si faible, ça va être vraiment très très difficile de les détecter avec les expériences actuelles. Mais en fait, c'est juste une indication. Il y a d'autres énigmes en astrophysique et d'autres indications qui peut-être prédisent que cette action pourrait avoir une masse un peu plus... avec quelques ordres de grandeur plus lourdes. Donc du coup, ça serait plus facile à détecter. Et cette étude, de toute façon, ça n'est qu'une seule observation. Les auteurs cherchent à en faire plusieurs. Alors d'autres expériences de recherche d'action se concentrent vers l'espace et se font aussi sur Terre. C'est votre cas, Esther Ferraribas. Vous êtes expérimentaliste et vous développez des détecteurs pour les expériences sur l'action. Vous avez notamment travaillé sur l'expérience CAST du CERN. CAST a produit des données de 2002 jusqu'à 2022. Et là, dans vos expériences, vous vous intéressiez donc aux actions produites par le Soleil. Oui, donc si les actions existent, c'est sûr qu'ils sont formés au centre des étoiles par l'interaction de photons dans les champs magnétiques des étoiles et ils se convertissent en actions. Ces actions, ils peuvent voyager vers nous. Et si on pointe un grand champ magnétique vers le Soleil, ces actions vont se convertir en photons, et les photons, c'est une particule que c'est facile de détecter. Donc, ce qu'on a fait sur CAST, c'est qu'on a mis un énorme champ magnétique, donc énorme, ça veut dire 9 Tesla, donc c'est vraiment très grand, de 10 mètres de long, et on a mis cet aimant sur une plateforme qui tourne et qui s'oriente vers le Soleil. Et on a essayé d'observer donc pendant quelques heures par jour les centres du Soleil. Donc si on va être capable de détecter un signal d'action, on aura un excès d'événements, on aura un signal annexé par rapport à quand on n'observe pas le Soleil. Donc on a fait ça avec des détecteurs très sensibles. On a pris des données pendant donc presque 20 ans avec différentes évolutions de l'expérience. Et on n'a pas pu détecter les actions solaires, mais on a réduit un peu l'espace des paramètres de là où on les cherche. Oui, c'est que la masse de l'action est un paramètre assez ouvert. On n'a pas de masse exacte, mais ce type d'expérience permet justement de réduire... Voilà, en fait, cette expérience, donc, elle est sensible à un grand intervalle de masse, et il a permis, voilà, de mettre des contraintes sur la masse et sur la force d'interaction de l'action. Donc, ça réduit un peu l'espace des paramètres. Voilà. Pierre Brun, toutes les expériences de détection d'action utilisent un champ magnétique. C'est la seule façon de pouvoir les détecter? Alors, le champ magnétique, il va... déclencher une interaction entre l'action et le champ électromagnétique habituel. Donc, quand je disais tout à l'heure que les actions avaient le vent en poupe, c'est pas uniquement un effet de mode lié au monde des idées, mais c'est aussi ce continuel jeu de chat et la souris entre la technologie et les idées en physique. Et donc, ces dernières années ont aussi été l'occasion de développer beaucoup de nouvelles méthodes pour construire des aimants. Et ce qui explique aussi cet engouement qu'il y a pour les actions. Pour rebondir sur ce que disait Esther juste avant, on parle beaucoup d'espace des paramètres. Ça, c'est parce que dans notre modèle, il y a des paramètres libres qu'on ne connaît pas. Donc la masse et la force d'interaction entre l'action et le champ électromagnétique. Et ce qui est intéressant et ce qui justifie pour ma part une grande partie de la démarche, c'est que certaines théories possèdent des prescriptions sur leurs propres paramètres. Alors, c'est un peu un gros mot, mais je vais essayer de l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que si c'est comme tout à l'heure avec le modèle standard, si on demande au modèle standard quelle est ta valeur préférée pour la masse de boson de Higgs, il va nous répondre l'échelle de Planck. Or, on ne trouve pas du tout l'échelle de Planck. Donc là, pour le modèle des actions, on peut aussi lui dire quelle est ta valeur préférée pour la masse des actions. Et bien, il va nous répondre, voilà, bah, c'est à peu près dans cette région-là, dans deux décades, donc sur une gamme d'à peu près 100, deux ordres de grandeur de masse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à pouvoir sérieusement envisager de construire des expériences qui permettent de tester spécifiquement ces paramètres-là. Et donc ça nous donne ce qu'on appelle dans le jargon un showstopper, c'est-à-dire quelque chose, si on arrive à avoir cette sensibilité-là et qu'on ne trouve rien, on pourra s'arrêter. On pourra dire, bon bah ok, c'était une mauvaise hypothèse, on peut définitivement oublier non pas l'action, mais l'hypothèse conjointe action et matière noire. Voilà. Ça voudra dire que peut-être l'action existe, mais peut-être que ce n'est pas la matière noire. C'est là aussi où les expériences d'identification de la matière noire se démarquent des expériences comme Cast avec le Soleil. C'est-à-dire que la source des actions qu'Esther recherche, c'est le Soleil. Elle n'a pas besoin de supposer que c'est la matière noire. Alors que si on essaye de convertir les actions qui sont dans la pièce en photons, on a besoin de supposer que c'est la matière noire. Donc si on arrive à prouver, par exemple, que l'hypothèse action-matière noire n'est pas correcte, ça ne voudra pas dire que les actions n'existent pas. Oui, comme vous dites, les propriétés des actions qu'on vient de définir ensemble, c'est ce qui nous offre plusieurs idées de détection. En France, il y a seulement 3 groupes qui travaillent en ce moment sur l'action, IAXO, Mad Max et J-LID. Quels sont ces dispositifs ? Restez avec nous. h 31 sur France Culture, Tijuana Panthers, Dark Matters, car nous sommes à la recherche de matière noire sous forme d'action, cette particule hypothétique que l'on traque avec acharnement. On en parle avec Pierre Brun, directeur de recherche au département de physique des particules du CEA et enseignant à l'école des mines de Paris, et avec Esther Ferrer-Ribas, chercheuse à l'IRFU au CEA. Nous venons de voir que l'action a toutes les caractéristiques pour être une particule de matière noire. Nous venons de parler des missions et de méthodes expérimentales pour parvenir à détecter des actions, et notamment de l'expérience CAST au CERN. Esther Ferrer-Ribas, on peut aussi parler de cette nouvelle expérience qui se prépare et qui se nomme IAXO. C'est une expérience qui est une amélioration de CAST ? Oui, c'est une expérience qui va optimiser tous les ingrédients de l'expérience CAST en prenant, en se basant sur ce qu'on a compris sur CAST et vraiment d'optimiser surtout les champs magnétiques, parce que sur CAST, on a utilisé un aimant qui existait. C'était un dipôle du collisionneur LHC de 10 mètres de long. C'était un SPER, c'était un qui était un TRO, donc on a utilisé ce qu'on avait. Là, pour IAXO, on est beaucoup plus ambitieux. Qu'on veut faire, c'est un aimant optimisé. Donc, ça va être un grand aimant de 20 mètres de long, d'un volume énorme. Donc, déjà, ça va améliorer beaucoup la sensibilité. Et ensuite, aussi, il y aura les systèmes de détection qu'on va essayer de vraiment les faire très, très sensibles pour pouvoir gagner en sensibilité au moins un facteur 10 par rapport aux limites actuelles. Mais IAXO cherchera à la fois des actions solaires, mais aussi du halo galactique. Alors, en fait, sur CAST, déjà, on a donc les buts de l'expérience étaient de chercher des actions solaires. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des cavités résonantes qu'on a mis sur dans les mondes de CAST, et du coup, on a pu aussi tester, avoir de la sensibilité sur les actions de l'halo galactique. Donc sur IAXO, en fait, ce qu'on va essayer, c'est que IAXO, ça veut dire International Action Observatory, donc c'est un observatoire qui va être sensible aux actions solaires et aux actions du halo galactique. Si IAXO détecte des actions, des traces d'actions, est-ce que ce serait une preuve de matière noire ? Alors, ça dépend de la masse de l'action. En fait, si là où IAXO serait les plus sensibles, c'est des actions plus lourdes. Donc, ça voudrait dire qu'il pourrait être une partie de la matière noire. Si ils sont la totalité de la matière noire, ça serait à des masses plus faibles. Donc, sûrement, IAXO est pas la manip la plus sensible. Pierre Brun ? Oui, de toute façon... Quand on aura les premiers indices, les premiers signaux qui nous indiquent que peut-être on a trouvé la matière noire, il faudra construire des expériences dédiées, croiser les faisceaux, si je peux dire, tout faire, disons, attaquer le problème de plein de façons différentes pour voir qu'il n'y a pas de contradiction. Des indications de détection ou d'identification de matière noire, c'est dans les décennies qui ont passé, il y en a déjà eu plein. Il y a plein de papiers qui disent, ça y est, on a trouvé, on a identifié avec tel ou tel signaux les rayons cosmiques, disons plein de façons différentes. Et à chaque fois, ça a été confronté. Disons que ça, quand on a une observation, ça nous donne un certain nombre de paramètres. Et du coup, ça devient plus facile pour une autre expérience de tester ces paramètres-là parce qu'ils ont été ciblés. Et jusqu'à présent, toutes les indications qui sont apparues n'ont pas tenu quand il y a eu des tests orthogonaux, quoi, si vous voulez. Donc le jour où, de toute façon, on a une indication avec une expérience d'une identification, ce ne sera pas une preuve du fait qu'on a identifié la matière noire. Il faudra attendre des confirmations, des expériences dédiées. Le problème est trop important pour qu'on puisse se fier à une seule expérience. Mais ça validera l'existence de cette particule, pour le moment hypothétique, mais pas nécessairement l'existence de la matière noire. Par exemple. Vous aussi, Pierre Brun, vous êtes un chasseur d'action. Hein, vous êtes à la recherche de matière noire sous forme d'action. Comment réalisez-vous vos recherches ? Alors, nous, on va essayer d'utiliser la matière noire qui est dans la pièce et de la convertir en des signaux observables par des détecteurs habituels. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui va déclencher l'interaction, c'est un champ magnétique très élevé. Donc le principe de l'expérience que l'on construit au CEA en ce moment est d'une simplicité enfantine. Il faut mettre un champ magnétique le plus fort possible, quelque chose qui s'apparente à une espèce de miroir qui va concentrer les photons produits sur une antenne, qui peut être une antenne qui ressemble tout à fait à ce que vous avez pour capter le Wi-Fi chez vous, dans des longueurs d'onde qui sont peut-être un petit peu plus faibles. Ça correspond à des fréquences peut-être 10, 20 fois plus élevées que le Wi-Fi, mais c'est vraiment le même principe. Et tout ça, il faut le mettre dans un environnement très froid, parce qu'en fait, on va être dominé par ce qu'on appelle le bruit thermique. Si je commence à construire une expérience très sensible qui mesure des signaux radio et que j'enlève tous les parasites dont l'émission de France Culture, par exemple, si j'arrive à le retirer et que je considère ça comme un bruit, il va me rester que du bruit que j'appelle thermique, qui est juste le fait que les parois ne sont pas à température nulle. Et plus la température est faible, plus ce bruit thermique va être faible. Donc on va descendre en température l'expérience, ce qui va nous permettre de faire fonctionner des aimants qui ne fonctionnent qu'à très basse température et d'avoir un bruit thermique très faible. Donc l'idée, c'est ça. On met en place un champ magnétique le plus élevé possible et on concentre, donc ça permet de convertir les actions qui sont dans la pièce en ondes radio. Alors, tout à l'heure, j'ai dit photon, hein, mais une onde radio et un photon, c'est pareil, hein, c'est la même chose, il n'y a que la longueur d'onde qui change. Donc, en onde radio ou en photon, c'est pareil. On va les concentrer sur une antenne, et à partir des mouvements des galaxies et de la façon dont les actions se comportent à très grande échelle, on est capable de prédire assez précisément la forme du signal que l'on attend en radio dans notre antenne. Donc voilà pour le principe, on descend en température, on branche notre aimant, on attend de voir si il y a un signal anormal à une fréquence particulière. Et la fréquence dépendra de la masse de l'action. Donc il va falloir faire un scan des fréquences pour essayer de voir si dans une certaine gamme de masse, on voit une émission anormale, un signal anormal dans notre antenne. Oui, on connaît les propriétés supposément propres à l'action qui permettent donc de distinguer le signal de tous les bruits ambiants. Oui, par exemple, on s'attend à ce que le signal de l'action soit stationnaire, c'est tout le temps le même, avec une très légère modulation à l'année, liée au fait que la Terre se déplace dans la galaxie et donc le vent d'action, entre guillemets, n'est pas exactement le même à 6 mois d'intervalle. Donc on va avoir une très légère modulation. Et on connaît en plus ce qu'on appelle dans le jargon le contenu spectral, c'est-à-dire la forme du signal en fréquence. C'est-à-dire que ce sera quasiment une seule fréquence, mais il y aura quelques fréquences à côté qui vont être présentes quand même. Et la forme de ce qu'on appelle ce spectre en fréquence est prévisible dans le cas des actions. Donc on va appliquer des méthodes qui ressemblent à la recherche des échoradars, par exemple. Quand on recherche des formes connues à l'intérieur d'un bruit, on va mesurer un bruit, donc quelque chose de bruité, avec une amplitude qui varie beaucoup. Et en dessous du bruit, on va essayer de voir si on peut calquer des formes spectrales connues qui viendront des modèles de matière noire sous forme d'action dans la galaxie. Et on espère pouvoir avoir une très grande sensibilité sur la recherche de ce signal. Voilà, c'est le projet GELID, ou comment trouver de la matière noire dans son laboratoire sous forme d'ondes radio. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est pour coup d'envoi. Alors, c'est déjà commencé. Ça met évidemment des années à être développé et construit. C'est un projet qui est financé par le Conseil européen pour la recherche et le CEA. Et on pense pouvoir prendre les premières données d'ici 2 ans. Et puis, on prendra notre temps parce qu'on s'assurera que tout est sous contrôle avant de publier les données. Alors, d'ici 2 ans, cette expérience sera l'expérience la plus sensible au monde pour la recherche d'action ? Alors, ça dépend de la gamme de masse dans laquelle on est, d'accord ? Dans la gamme de masse dans laquelle on est, on sera parmi les plus sensibles, mais probablement c'est en termes de largeur de bande, c'est-à-dire de gamme de masse auquel on sera sensible, que notre expérience va être particulièrement performante. Là où certaines expériences marchent avec ce qu'on appelle des résonances, c'est-à-dire marchent à des fréquences très particulières, testent des masses très particulières. Nous, on a essayé de concevoir l'expérience du début, depuis le début, comme étant large bande, c'est-à-dire essayer d'être sensible à la plus grande gamme de masses possible. Et c'est ça qui va nous différencier un petit peu des expériences concurrentes. Esther Ferribas. Alors, en complément de recherche de GELID, donc Yaksho aura une première étape qui s'appelle Baby Yaksho, parce que ça sera un petit aimant. Et là aussi, nous aussi, on pense que, donc pas dans 2 ans, mais peut-être dans 5 ans, il pourrait y avoir cette première manip où on serait sensible aussi, là plutôt à des masses plus lourdes, mais qui amélioreront pas mal la sensibilité actuelle des expériences. On continue de traquer les actions, restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h42 sur France Culture avec Pierre Brun et Esther Ferribas. Nous partons à la recherche de l'action, cette particule hypothétique. Dans la traque de la matière noire, on cherche des particules candidates comme les actions ou les WIMPs. Pour les mettre en évidence, on construit des expériences complexes et suffisamment sensibles. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. DarkSide est une des collaborations phares actuellement à l'œuvre pour détecter des particules hypothétiques de matière noire. Vous êtes allé au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris-Cité où on analyse les résultats de cette expérience. Et oui, DarkSide vient de livrer ses dernières mesures que David DeFranco est en train de compulser avec beaucoup d'émotion car il a également travaillé sur le design de l'expérience qui, elle, est basée réalisé en Italie au laboratoire souterrain de Gran Sasso. Alors il faut s'imaginer, à 120 km de Rome, une installation nichée au cœur d'une montagne à une profondeur de 1400 mètres, une grande cuve surblindée avec 30 tonnes d'argon liquide et 1000 tonnes d'eau ultra pure, un environnement propice et isolé pour mettre en lumière les sillages potentiels de matière noire. Si l'expérience a donné un cadre d'observation idéal, Davide Franco imagine déjà depuis son laboratoire parisien la prochaine version de Darkseid. Donc les noyaux d'argon, en principe, dans l'argon liquide, va produire deux choses. Donc, première chose, c'est la scintillation, donc en pulsation de lumière par désexcitation de les noyaux. Et de l'autre côté, il peut induire des électrons, des ionisations. Alors ça, pour les électrons d'ionisation, qu'est-ce qu'on fait? C'est en utilisant un champ électrique pour les pousser, les dériver vers l'eau, où il y a une phase gazeuse. Et là, ils font un deuxième signal de lumière qui s'appelle électroluminescence, et on peut détecter aussi cette composante. Donc, dans la détection des deux composants, on peut déduire qu'effectivement, il y a une interaction. Et là, heureusement, l'argon liquide est magnifique parce qu'il nous permet de distinguer un particule en interaction de type nucléaire, bon, pas électronique, par rapport à 100 millions d'interactions de type électronucléaire. Après, on a encore à distinguer les WIMS par les neutrons, parce que les neutrons font exactement le même signal de les WIMP. Et là, on a construit ce qui s'appelle les neutron vetos, donc un détecteur qui est autour du corps de notre détecteur lui-même, de notre manip, qui est dessiné pour détecter que des neutrons. Donc, effectivement, on essaie de protéger notre détecteur contre tous les types de background. Après, il y a un autre 700 tonnes d'argon liquide qui protège, enfin, notre détecteur, qui est contre tous les rayons cosmiques. Est-ce que ce genre d'expérimentation pourrait permettre aussi de sonder un autre type de particules hypothétiques qui sont les actions? Oui, on peut chercher donc dans un taux d'énergie un peu limité, mais on peut aussi chercher des particules comme les actions. Donc le WIMP et les actions sont les deux candidats les plus favoris sur des matières noires. On a un troisième en principe. On a aussi les neutrinos stériles. On a mis des limites aussi sur les neutrinos stériles. Donc dans les cas des actions, on peut imaginer que s'il y a une interaction des actions, l'action peut extraire un électron. Alors, Eleonora Capocasa, elle travaille sur la gravitation. Donc, autre chose. C'est relié quand même, d'une certaine manière. Alors, je m'appelle Eleonora Capocasa, moi je suis italienne aussi. Et je suis expérimentaliste, je m'occupe de développer des détecteurs pour mesurer les ondes gravitationnelles, qui sont de perturbations de l'espace-temps, qui nous donnent des informations très très utiles sur l'univers en fait. C'est très intéressant parce que normalement on regarde l'univers avec de la lumière, des particules. Et là, c'est un nouveau outil qu'on vient de commencer à utiliser il y a quelques années. Merci. Je me demandais qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus entre les aspects théoriques et le design des expériences. C'est quand même très complexe d'arriver à mettre en œuvre les conditions de possibilité de sonder ces... Ouais, moi j'aime beaucoup faire plusieurs choses. Donc, effectivement, travailler à niveau de les détecteurs, à niveau plus matériel, donc vraiment être proche à la détection, voir comment construire les détecteurs, imaginer, envisager des nouvelles techniques, essayer de les mettre en œuvre et tout ça, mais aussi après arriver jusqu'à l'analyse des données et à la phénoménologie. Donc, avoir la possibilité de faire tout ça, il me permet de couvrir toute la physique possible, parce que j'ai fait de l'électromagnétisme jusqu'à la matière noire. Donc, c'est très stimulant au niveau de la créativité. Absolument. Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Ouais. Puis gratifiant quand on arrive à récolter les fruits de ce qu'on a mis en œuvre des mois, des années avant. Ouais, on peut dire toujours qu'il y a des risques. Donc, il y a des risques que le détecteur ne marche pas, il y a des problèmes. Donc, il y a toujours un peu d'inquiétude, quelquefois, que les choix qu'on a faits ne sont pas les bons. Mais quand on arrive à produire une technologie qui est complètement différente, complètement nouveau, et donc c'est la première fois, et ça marche, c'est déjà une grande satisfaction. Après, clairement, les résultats de physique, on espère de trouver quelques interactions des matières noires. Timothée, tu es avec moi? travailles sur DarkSide? Moi, je m'appelle Timothée Essel. Je travaille sur les outils de simulation et de reconstruction et comment traiter les données qu'on aura. De quelle manière, sous quelle forme on veut écrire ces données-là pour après pouvoir extraire le maximum de physique possible. Et du coup, ça demande aussi pas mal de créativité. Je vous vois griffonner sur votre carnet. Oui. Il y a pas mal, enfin, c'est plutôt du formalisme un peu lourd là. Ouais, voilà, bah oui. Donc il y a plein de. Quand on travaille avec des simulations, on est obligé d'essayer de mesurer précisément toutes les observables qu'on aura et avec quelle précision on pourra les avoir. Et c'est ça qui est le plus important. Il y a toujours ce besoin d'écrire, de projeter la pensée sur du tableau, en fait. Ouais, on a toujours besoin de tableau, et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à discuter entre nous, mais en travaillant aussi à l'ordinateur. Mais effectivement, quelquefois, on fait aussi, donc, on travaille dans des laboratoires, on construit des petits manips, parce que, donc, on construit des petits setups, typiquement d'un petit kilo ou choses comme ça, mais on va construire aussi pour DarkSide des petites choses ici. Donc oui, on a toujours besoin de faire nouvelles choses. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Esther Ferrari-Bass, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, en fait, c'est des résultats intéressants qui pointent qu'on n'a pas trouvé des WIMPs, donc des candidats à la matière noire. Donc pour nous, chercheurs d'action, en fait, ça donne un espoir que l'action, ça soit la bonne candidate. Pierre Brun? Oui, ce qui est important, c'est d'explorer toutes les pistes, voilà, toutes les hypothèses. Et puis on voit que les techniques mises en jeu sont très différentes en fonction des hypothèses que l'on formule et des hypothèses qu'on veut tester. Et c'est un peu comme dans une enquête de police, quoi. On ne sait pas quelle est la thématique qui va dominer. Là, le chercheur qu'on entendait essayait d'éliminer le bruit de neutrons. Moi, j'essaye d'éliminer le bruit des parasites électromagnétiques. Donc c'est toujours cette espèce de jeu entre la technologie, les observations et les hypothèses que l'on veut tester. Et parfois, on se laisse guider par la technologie. Par exemple, le développement important des aimants supraconducteurs dans la décennie passée ou dans les décennies passées ont naturellement conduit à favoriser les recherches d'action, dans la mesure où c'est eux qui vont déclencher l'interaction avec le champ électromagnétique. C'est ça, dans l'expérience GEDIT dans laquelle vous êtes impliqué, hein, pour produire ce champ magnétique intense avec des supraconducteurs à haute température critique. Si vous parlez de technologie, quelle est la particularité de ce nouvel aimant, justement? Alors, les aimants supraconducteurs, déjà, il y en a donc ce qu'on appelle les aimants supraconducteurs conventionnels. Ils vont fonctionner à très basse température, de l'ordre de quelques degrés Kelvin. Et au-dessus de cette température-là, ils vont être un conducteur normal, même pas très bon conducteur. Et en deçà de cette expérience, il y a une transition il y a une transition de phase qui les conduit à ne plus avoir de résistance électrique. Donc on peut faire passer un grand courant dedans. Et les seules contraintes que l'on a, c'est que si on fait passer trop de courant, ils vont perdre leurs propriétés supraconductrices. Et il y a une deuxième classe de matériaux supraconducteurs, qu'on appelle les matériaux supraconducteurs à haute température critique, qui, eux, vont être supraconducteurs autour d'une centaine de Kelvin. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue technologique, parce que ça permet d'éviter l'utilisation d'hélium pour refroidir l'aimant, qui est une ressource stratégique et qui était beaucoup produit par l'Est et qui a vu son prix augmenter d'un facteur énorme les dernières années. Et ces aimants supraconducteurs à haute température critique, si on les utilise malgré tout à très basse température, à quelques Kelvin, on va pouvoir faire passer encore plus de courant dedans et obtenir des aimants très compact. Et c'est ce genre de technologie-là qu'on va utiliser dans mon expérience. La particularité de ce nouvel aimant supraconducteur à haute température critique. Vous avez aussi été impliqué dans la conception de l'aimant de Mad Max, l'expérience Mad Max, qui est une expérience sur les actions galactiques qui cherche à produire des actions, Pierre Brun. Oui, donc c'est également une expérience où on convertit les actions qui sont dans la pièce à l'aide d'un champ magnétique important. Dans ce cas-là, l'enjeu, c'est d'avoir un champ magnétique très grand dans un gros volume. et on utilise un résonateur magnétique, c'est-à-dire c'est comme les miroirs dont je parlais tout à l'heure, mais c'est comme s'ils étaient semi-transparents et qu'on les mettait les uns derrière les autres pour augmenter le signal. Donc l'enjeu dans ce cas-là, c'est d'avoir un champ magnétique le plus fort possible, dans un volume le plus grand possible. Et à nouveau, le cœur de l'expérience, l'enjeu technologique, c'est la construction de l'aimant. Bien, merci à vous deux pour cette passionnante chasse à l'action. Il est temps à présent de retrouver un physicien lui aussi passionné par la matière noire, c'est Étienne Klein et sa chronique, le pourquoi du comment. Comment associer physique et musique ? La plupart des pères fondateurs de la physique quantique étaient non seulement mélomanes, mais également musiciens. Je m'en voudrais de tirer de cette coïncidence une conclusion trop ferme en la confondant avec une relation de cause à effet, d'autant qu'il y a une exception à cette règle. Erwin Schrödinger, l'homme du chat, qui lui était exaspéré par la grande musique. Sa femme jouait du piano, mais manque de chance pour elle, ce n'était pas du tout du goût de son mari, qui n'accepta jamais qu'elle en jouât en sa présence. Il n'aimait que les chansons d'amour, seules capables de doper son âme de perpétuel amoureux. Reste que la physique quantique est en connivence avec les notions d'harmonie et d'harmonique. C'est par elle qu'on a appris qu'il y a des vibrations dans la matière, et aussi que des rythmes purs, transportés par des objets sans masse, sont capables de devenir matière, c'est-à-dire de s'incarner en particules massives. C'est ainsi qu'un photon, s'il a suffisamment d'énergie, peut se transformer en une paire formée d'un électron et d'un positron. Comprenant la portée de tout cela, le philosophe Gaston Bachelard avait comparé la matière à une anarchie de vibrations. Voici d'ailleurs comment il décrivait ces imposants blocs de matière que sont les pyramides d'Égypte, dont je rappelle au passage qu'elles n'ont jamais servi d'antenne, contrairement à ce qui se dit ici ou là. Il écrit: les pyramides, dont la fonction est de contempler les siècles monotones, sont des cacophonies interminables. Un enchanteur chef d'orchestre de la matière, qui mettrait d'accord les rythmes matériels, volatiliserait toutes ces pierres. Cette possibilité d'une explosion purement temporelle, due uniquement à une synchronisation des temps superposés relatifs aux différents éléments, montre bien le caractère fondamental du rythme pour la matière. Fin de citation. Le philosophe pourrait presque être considéré comme l'inventeur de l'idée d'un laser à atomes. Je vous ai déjà parlé de la théorie des supercordes, cette tentative d'unifier les quatre interactions fondamentales, dont le formalisme pousse encore plus loin le lien entre physique et musique. L'idée est qu'il n'y aurait pas mille sortes de particules élémentaires dans l'univers. Il n'y en aurait en fait qu'une. Cette particule ne serait pas un corpuscule, mais une corde dont les différentes vibrations possibles constituerait toutes les particules que nous connaissons et aussi d'autres que nous ne connaissons pas encore. Une supercorde pourrait vibrer de telle façon qu'elle ressemblerait à un électron. Si elle vibrait d'une autre façon, elle ressemblerait à un neutrino. D'une troisième façon, ce serait un quark, etc. Donc, toutes les particules qui nous apparaissent comme ontologiquement différentes ne seraient en réalité que les différentes harmoniques d'une seule et même supercorde vibrant allègrement dans l'espace-temps. L'unique passe-temps de la matière consisterait en somme à faire des vocalises, à produire une sorte de musique de chambre, pas forcément à bulles. Cette théorie des supercordes n'est encore qu'une conjecture. Mais si elle était exacte, alors on pourrait associer l'univers matériel à une métaphore parfaitement musicale. La matière serait une sorte d'infinie dispersion rythmique, elle serait intégralement vibrée, pour reprendre là encore une expression de Gaston Bachelard. Cette théorie dit aussi que nous serions, nous autres les humains, confinés dans un espace-temps à quatre dimensions, l'espace-temps habituel. Si nos particules demeurent enfermées dans cet espace réduit, c'est parce qu'elles correspondent à des cortes ouvertes, non refermées sur elles-mêmes, qui ne peuvent se propager que dans la tranche d'espace-temps que nous connaissons. Par contre, il existerait d'autres cordes, refermées sur elles-mêmes, qui seraient donc comme des boucles. Elles auraient, elles, le droit d'aller se faire voir ailleurs dans des dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Ce petit monde vibrillonnant serait sans cesse animé de vibrations furieuses. Bref, se jouerait là une sorte de réduction de l'ontologie du monde physique à des harmoniques quasi musicales, un peu comme si la corde d'un violon, qui a plusieurs harmoniques selon l'amplitude que l'on donne aux vibrations, était le symbole le mieux adapté pour décrire la matière. Je vous laisse réfléchir là-dessus, non sans vous avoir rappelé que la théorie des supercordes a pour anagramme de la poussière d'orchestre. Merci Étienne pour votre chronique et pour vos anagrammes, et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe, Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Nafi Terras, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.